ни des oiseaux. Прослушайте текст и скажите, чем отличаются виды птиц, описанные в рассказе. L'emplacement du nid varie selon les espèces d'oiseaux. Certains oiseaux nichent dans les arbres, d'autres au sol ou sur une paroi rocheuse, d'autres encore sous le toit des maisons. Certains, comme le manchot empereur, ne construisent pas de nid. L'emplacement du nid est soigneusement choisi. Il doit protéger au mieux les œufs et les oisillons du vent, du froid et de leurs ennemis. Les oisillons qui naissent dans des nids perchés, les passereaux dans les arbres, l'aigle sur une paroi rocheuse, sont dépourvus de plumes et ont les yeux clos. Ces poussins nidicoles sont soignés par leurs parents qui les nourrissent. Leur développement est rapide. Ils peuvent multiplier leur poids par 10 en 10 jours. Les oiseaux qui naissent au sol, goélands, bécasses, canards, quittent aussitôt le nid en suivant leurs parents, à la nage, à pied. Ils apprennent vite à trouver leur nourriture et à attraper leur repas.